Inter et avec rendez-vous avec X et Patrick Pédot. Ne ficelle pas un officier comme un saucisson. Tel a été, semble-t-il, le seul commentaire désapprobateur du général de Gaulle lorsqu'on lui a appris que l'un de ses adversaires les plus déterminés, un homme qui avait essayé de le tuer à deux reprises, l'ex-colonel Argout, venait d'être retrouvé à Paris, ligoté dans une camionnette garée pas très loin du siège de la police judiciaire, quai des Orfèvres. Pourtant, sans nul doute, le chef de l'État devait être satisfait de savoir Argout sous les verrous. L'ex-colonel arrêté, c'était la branche militaire la plus dangereuse de l'OAS qui était désormais coupée. Il ne restait plus en cavale ou en exil qu'une poignée de soldats perdus et quelques politiques comme Bidou et Soustel. Et bientôt, on l'a déjà vu ici même avec M. X, le pouvoir va habilement amener les derniers rebelles à récipiscence, grâce à l'opération réconciliation et à l'action du commissaire Barouin. Vous le savez sans doute, Antoine Argout se trouvait à Munich lorsqu'il a été enlevé, ce qui suscitera l'indignation, sincère ou simulée, des autorités allemandes. Mais c'est surtout la personnalité des kidnappeurs qui soulèvera de nombreuses questions. Qui étaient réellement ces hommes qui ont passé la frontière pour aller enlever l'un des chefs de l'OAS ? Était-ce des barbousses, comme on l'a longtemps prétendu, ou bien s'agissait-il d'agents des services spéciaux? Monsieur X a naturellement son idée, et il m'a prouvé à de nombreuses reprises qu'il avait une connaissance intime de ces années troubles. Dans un instant, donc, des révélations sur l'enlèvement de l'ex-colonel, sur l'identité des véritables commanditaires de cette audacieuse opération, mais aussi sur les fuites à l'intérieur de l'organisation terroriste, fuites qui ont permis de localiser Argout dans sa retraite allemande. Saint-Air, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Je vous en ai déjà parlé, les années algériennes ont été vécues de façon particulièrement douloureuse dans les services, et particulièrement au SDEC, où les militaires étaient plus nombreux que les civils. Ouais, et donc susceptibles d'écouter les sirènes putschistes. Oui, c'est à peu près ça. Enfin, je ne dis pas que ces officiers étaient tous prêts à se lancer dans l'aventure. Enfin, beaucoup n'avaient nulle envie de se lancer dans la bagarre contre les types de l'OAS. Ils étaient au contraire prêts à leur serrer la main, et même, le cas échéant, à leur donner un coup de main. Est-ce qu'ils ont fait ? Oui, enfin, les chefs importants de l'OAS ont bénéficié d'une aide matérielle de quelques officiers du SDEC. C'est grâce à eux qu'ils ont pu échapper si longtemps à la police. Parmi eux, il y avait Argout, dont nous allons parler. Ouais, mais comment expliquer plus profondément cette sympathie pour l'OAS au sein du SDEC? Pour bien comprendre, il faudrait remonter à la genèse de nos services secrets. Enfin, ce serait peut-être un peu trop long. Ouais. Sachez en tout cas que dans les services, on a rarement été de gauche. Ah bon. Certains, pendant la guerre, venaient même de la cagoule. Ensuite, il y a eu tous ces agents qui se sont servis du SDEC pour hâter le retour au pouvoir du général de Gaulle. Puis enfin, il y a eu la lutte contre le FLN. Ouais, on ne pouvait pas demander à des hommes qui venaient de traquer les militants du FLN, de changer brusquement de camp. Oui, d'autant que la lutte contre le FLN avait été sans merci, impitoyable. Alors quand il s'est agi de se bagarrer contre l'OAS, on a fait appel à d'autres services. Et lesquels ? Je crois vous l'avoir déjà dit. On a créé deux organismes nouveaux. Le BDL, le bureau de liaison regroupant des personnels de la DST, des renseignements généraux et de la PJ. Et puis à côté, militaire, ça a été la DSM, la Direction de la Sécurité Militaire. Un organisme commun aux trois armes. Et les barbouzes ? Vous avez raison, il faut bien en parler. Elles ont joué un rôle certain, mais surtout en Algérie même. C'était détruant ? Il y avait tout. Des gangsters, oui, mais aussi des hommes de main recrutés dans les salles de boxe, les clubs d'arts martiaux, d'anciens soldats. Et à leur tête, on trouve des dirigeants gaullistes, des gens comme Sanguinetti, par exemple. Mais aussi d'autres qui seront à l'origine de la création des polices parallèles, donc du SAC. Ouais, Focard. Focard, bien sûr, il ne reste pas inerte. Dès qu'il s'agit de protéger le général de Gaulle, il est là, en première ligne. Car après l'indépendance de l'Algérie, c'est la question essentielle. Le général est désormais personnellement menacé. Les types les plus lucides de l'OAS ont compris que l'Algérie ne serait plus jamais française. Mais ils veulent châtier celui qui, disent-ils, les a trahis. Et ils vont poursuivre De Gaulle de leur haine. Oui, vous savez qu'en août 62, le chef de l'État échappera de très peu à la mort. Petit clamart. Il y aura de nombreuses tentatives d'attentats. Certaines ne seront même jamais rendues publiques. En tout cas, la priorité pour le BDL et pour la sécurité militaire, c'est donc d'éliminer tous ceux qui sont encore susceptibles d'attenter à la vie du général. Et parmi eux, il y a le colonel Argout, l'ex-colonel plutôt, puisque après sa participation au putsch d'Alger, il a été exclu de l'armée et condamné à mort par Comte du Passe. Et depuis, il est en fuite. Oui, il est activement recherché, car ce n'est pas un personnage commun. Un personnage commun, justement, racontez, alors qui est-il ? Argout était un officier brillant, l'un des plus brillants de sa génération. Polytechnicien, c'est un spécialiste des blindés. Ce sera aussi le plus jeune colonel de l'armée française. Oui, mais l'homme... Incontestablement, il a du caractère. C'est ce qu'on dit généralement des gens qui ont mauvais caractère. C'est juste, et Argout est certainement un type ombrageux. Et d'abord parce qu'il a une haute idée de lui-même. Un idéologue ? Oui, Argout aime théoriser, il n'a pas fait l'Indochine, c'est son grand regret d'ailleurs, mais il en a tiré des leçons à sa façon, bien sûr. Ouais, c'est-à-dire ? Pour lui, la guerre devait être révolutionnaire. Ça signifie que sur le terrain, les militaires ne pouvaient se contenter de faire la guerre. Il fallait qu'ils se conduisent aussi en politique. Ouais. Argout a donc fait partie de tous ces colonels qui ont été influencés par les idées maoïstes. Exactement. La guerre psychologique était pour eux aussi importante que la guerre proprement dite. Il fallait donc agir sur la population, la convertir ou au pire, la terroriser, afin de la amené à composer et à se rallier. Et en Algérie, Argout va mettre ses idées en pratique. C'est ce qu'on a appelé alors la pacification. Oui, un mot qui recouvre en réalité des choses pas toujours très propres. Enfin, vous le savez aussi bien que moi. Ouais. Et personnellement, le colonel Argout a usé de ses méthodes ? Tout à fait, il ne s'en est guère caché d'ailleurs. Il l'a torturé ? Personnellement, je ne sais pas. Ses hommes, probablement. Mais Argout, lorsqu'il a été nommé dans l'Arba, c'est-à-dire au sud d'Alger, a surtout exercé sa propre justice, c'est-à-dire qu'il a fait fusiller publiquement des rebelles. Sans dissimuler. Argout voulait frapper les esprits. Pour lui, il n'était pas question d'organiser ce qu'on appelait de façon sinistre les corvées de bois. C'est-à-dire de fausses tentatives d'évasion. Au cours desquelles les félagas étaient abattus dans le dos. Non, Argout, lui, voulait que tout le monde sache. Il faut rappeler qu'au même moment, dans Alger, les parades massues traquaient les militants du FLN avec les méthodes et l'efficacité qu'on connaît. Ouais. C'est donc pas un tendre, ce polytechnicien. Non, non, l'idéologue est aussi un homme d'action et un guerrier sans pitié. Et politiquement ? Comme vous pouvez aisément l'imaginer, Argout ne se classe pas à gauche. En Algérie, il est persuadé qu'il combat pour l'Occident contre le communisme international. C'est un point de vue largement partagé par tous ces officiers qui n'ont toujours pas digéré la fameuse défaite d'Indochine. Ouais. Et qui vont donc se révolter lorsqu'il apparaîtra que De Gaulle a choisi de donner l'indépendance aux Algériens. Naturellement. Et Argout est de cela. Oui. Mais avant de devenir un soldat perdu, comme on va appeler tous ces rebelles, Argout est nommé chef d'état-major de massue. C'est une promotion. Bien sûr. Et le colonel ne se prive pas de bousculer la bureaucratie militaire. On a même dit qu'à l'époque, le véritable patron à Alger, c'était lui. Massue signait. Mais c'est Argout qui écrivait. Et ce spécialiste de la répression va donner la mesure de son talent. Il va aussi, dès que De Gaulle prononce le mot d'autodétermination, commencer à comploter avec ses camarades officiers, les fameux colonels. À Paris, on sait ? Oui, car Argout, reconnaissons-le, ne mâche pas ses mots. Et quand le Premier ministre Michel Debré fait un voyage éclair à Alger, après l'affaire des barricades, Argout ne lui cache pas qu'il refusera toujours de faire tirer sur des Français qui manifesteront au cri d'Algérie française. Ça lui vaut d'ailleurs d'être rapidement muté à Metz. Il est donc éloigné du terrain. Ça ne l'empêche pas de continuer à garder le contact avec les officiers restés sur place. Et Argout, c'est incontestable et l'une des chevilles ouvrières du putsch. C'est même l'un de ceux, même s'il n'a pas beaucoup d'atomes crochus avec lui, qui persuadera le général Charles de prendre la tête du coup d'État. Et que devient-il après l'échec du putsch ? Argout, comme Salan, comme Jouot, comme les autres colonels, disparaît. Où trouve-t-il refuge, lui ? C'est naturellement, il choisit l'Espagne franquiste, où de nombreux autres activistes se trouvent déjà. Mais Franco, qui ne veut pas d'ennuis avec la France, l'envoie, lui et quelques autres, en résidence surveillée aux Canaries. À ce moment-là, l'OAS a déjà été créé en Algérie. Oui. Et Argout envisage d'en faire partie ? À cet instant, non. Pour quelle raison ? Il se méfie de Salan. Et puis, il pense que l'Algérie est perdue. Ouais. Il est donc prêt à abandonner le combat ? Pas du tout. Au contraire. Argout considère maintenant que le théâtre d'opération, c'est la métropole. C'est là qu'il faut se battre contre De Gaulle. C'est là qu'il faut faire la révolution. La révolution ? Oui, la révolution. Argout, le doctrinaire, prêche maintenant une sorte de communisme national. L'instauration d'un régime dirigiste et fort qui réconcilierait l'armée et le peuple. Un régime d'extrême droite, sans doute. Et Argout, bien décidé à lutter pour ses idées, va mystérieusement s'évader au début de l'année 62. Pourquoi mystérieusement ? Parce qu'on ne sait pas comment il s'y est pris pour quitter les Canaries à la barbe des autorités espagnoles. Claude Payat, dans son ouvrage « 20 ans qui déchirèrent la France » paru chez Robert Laffont, dresse un portrait particulièrement acéré d'Antoine Argout. Je le cite. « Petit, sec, nerveux, dansant d'un pied sur l'autre, il est reconnu comme un officier particulièrement doué. Certains vont jusqu'à dire qu'il est le plus intelligent de sa génération. Potache, au lycée Saint-Louis à Paris, où il prépare Polytechnique, Argout donne déjà l'impression que tout doit se soumettre à sa pensée. Ayant réussi son entrée à l'X, il choisit la cavalerie et veut absolument devenir un cavalier, bien qu'il n'en ait pas les dons. C'est dans le même esprit que, beaucoup plus tard, devenu colonel, il s'impose de faire des marches à pied dans les mêmes conditions que ses soldats et avec le même harnachement. Mieux, il prend pratiquement chaque dimanche l'initiative d'une sortie dans les djebels dont les seuls participants sont recrutés parmi les officiers de l'état-major de Massu. Petsec, au premier contact, Argout se révèle lorsqu'il est amené à décortiquer une situation et à étaler en même temps ses dons intellectuels. Ceux qui l'ont entendu sont unanimes à dire que le chef d'état-major de Massu a une force de conviction peu commune et qu'il est pratiquement impossible d'échapper à son raisonnement. L'un de ses auditeurs affirmera, sous forme de boutade, qu'Argout réussissait à faire parler une lampe pigeon. Argout a-t-il bénéficié de complicité pour s'évader ? Ça me paraît évident. Ouais. Des hommes des services secrets, comme vous le suggériez tout à l'heure ? Oh, sans doute. De la même façon, malgré les recherches qui ont été faites par la police française sur les paquebots en provenance des Canaries, Argout parviendra à déjouer tous les pièges. Il disposait alors certainement de faux papiers, comme ceux qui sont fabriqués par les services. Mmh. Argout choisit donc de revenir en France ? Oui, mais il y reste très peu de temps. Vite, il se fixe en Allemagne. Pourquoi l'Allemagne ? À cause des forces d'occupation françaises qui se trouvent là-bas. Argout entreprend une véritable campagne de propagande auprès des officiers. Une tournée des popotes, comme on dit dans l'armée. En vue et au-dessus de tout le monde. Quand même pas. L'ex-colonel se fait discret. Mais pour ne pas compromettre les officiers qu'il rencontre. Bien sûr, mais malgré cette discrétion, la sécurité militaire parvient à percer le secret de certaines de ses visites. Et plusieurs officiers supérieurs sont sanctionnés. Ça veut dire en tout cas que ces officiers qui ont accepté de rencontrer Argout n'étaient sans doute pas hostiles. C'est certain. Et en cette année 62, et ça durera longtemps, une fraction de l'armée est violemment opposée à celui qu'on appelle ironiquement dans les garnisons la Grande Zora. De Gaulle. Oui. Ouais. À cause de l'Algérie. Essentiellement. Mais ouais. Plus profondément, je me demande si certains militaires de tradition n'en veulent pas aussi à celui qui autrefois s'est rebellé. Ouais. L'homme qui a dit non. L'homme qui a dit non à la défaite et surtout non à Pétain. Enfin, nous éloignons là. Argout essaye donc de fédérer ses mécontentements tout en continuant à garder des liens avec les chefs activistes. Les chefs de l'OAS. Oui, Bidault, Soustel, Gardy et les colonels. Et Salan ? L'ex-général est arrêté en avril 1962, donc il est hors course. Et Argout fonde avec tous ces hommes dont je viens de vous parler le CNR. Oui, c'est-à-dire le Conseil National de la Résistance. C'est ça. Non sans impudeur, ils ont repris le nom et le sigle de l'organisation qui fédérait les mouvements de résistance pendant la guerre. Sous l'autorité du général de Gaulle. Oui, et c'est bien sûr une sorte de provocation. Mais quel est le véritable objectif poursuivi par tous ces hommes ? Bah écoutez, soyons clairs, ils ne sont pas d'accord sur grand-chose, sauf sur un point. Il faut se débarrasser de De Gaulle. Le tuer. Et c'est évident. Et Argout, qui porte le titre de délégué général en métropole, joue un rôle essentiel, puisqu'il a sous ses ordres les commandos OAS qui agissent sur le territoire français. Des commandos qui préparent des attentats. Exactement. Pour les autorités françaises, il convient donc de mettre le plus vite possible un terme aux activités de l'ex-colonel. Et la première idée qui vient aux hommes chargés de la lutte contre l'OAS, c'est de l'éliminer physiquement. C'est en effet radical, quoi. Oui, mais enfin, il semble qu'au sommet de l'État, on ait eu alors des scrupules. Des scrupules moraux ? Ben, ça, je n'en sais rien. Je vous ai déjà expliqué que lorsqu'il s'agissait de lutter contre les FLN et les types qui lui fournissaient des armes, les services sous le couvert d'une organisation fantôme, la main rouge, n'avaient jamais hésité à tuer. Alors, pourquoi pas Argout ? Mais De Gaulle, car c'est remonté jusqu'à lui, c'est semble-t-il refusé à donner le feu vert. Parce que Argout était un officier ? Je le pense, oui. Malgré toute la haine accumulée de part et d'autre, il existait un esprit de corps. Et c'est ainsi qu'on a pensé à une autre solution. L'enlèvement. Oui. Si De Gaulle était hostile à les liquidations physiques, il n'était certes pas opposé à ce que l'ex-colonel fasse l'objet d'un rapt. Et c'est lui qui a donné l'ordre ? Bon, les choses ne se passent pas comme ça. Dans ces cas-là, un chef d'État se contente de suggérer ou simplement de ne pas dire non. Bon, alors, qui a vraiment donné l'ordre ? Autant que je puisse savoir, la décision a été prise au ministère des Armées. Par le ministre lui-même ? Vraisemblablement. Seul Pierre Messmer pouvait donner un tel ordre. Mais il faut bien se dire que c'était une opération autrement difficile à organiser qu'une opération homo, comme on dit dans les services. Il est plus aisé d'assassiner un homme que de procéder à son kidnapping, surtout lorsque celui-ci se trouve à l'étranger. J'ajoute autre chose. Il était aussi important, très important, de prendre Argout vivant. Vivant ? Pour quelle raison ? Bon, on pouvait légitimement penser que le colonel Argout, qui avait une tête politique, savait beaucoup de choses sur les relations que l'OAS entretenait ou avait entretenues avec certains politiciens. Peut-être même détenait-il des documents. L'assassiner ne suffisait donc pas. Il fallait aussi tout faire pour s'emparer de ses papiers, vous comprenez ? Oui, mais il fallait d'abord le loger, comme disent les policiers, c'est-à-dire découvrir le ou les endroits où il se cachait. Oui, c'est exact, mais ce n'était pas forcément évident, car Argout voyageait beaucoup. Oui, à l'intérieur des frontières allemandes. Pas seulement, les membres de l'OAS étaient dispersés un peu partout en Europe. Et Argout ne cessait d'aller, de venir, et... mais c'est vrai qu'il résidait principalement en Allemagne. Et nos amis des services secrets allemands l'avaient naturellement à l'œil. Mais est-ce qu'ils transmettaient leurs informations à Paris? Bien sûr, j'ajoute, et c'est un point assez mal connu, que les services allemands n'étaient pas les seuls à s'intéresser à Argout et aux gens de l'OAS. Mais qui d'autre, alors? La CIA a eu des contacts avec eux. À quel moment exactement? Alors d'abord, pendant la préparation du putsch des généraux, et ensuite, alors que les tueurs de l'OAS essayaient d'éliminer le général. Ouais, vous n'allez quand même pas me dire que la CIA leur a donné un coup de main? Non, non, moi, les Américains suivaient tout ça de très près. Ce n'est pas étonnant quand on sait le peu d'affection qu'ils avaient pour De Gaulle. De Gaulle qui le leur rendait bien, d'ailleurs. Okay. Donc, grâce aux Allemands, m'avez-vous dit, vous saviez à peu près toujours où se trouvait Argout? À peu près, mais l'ex-colonel était très méfiant. Il arrivait souvent à échapper à la surveillance dont il était l'objet. Parce qu'il savait qu'il était surveillé. C'est évident. Par contre, ce qu'il ne savait pas, c'est que les hommes chargés de la lutte anti-OS disposaient d'une taupe. Une taupe dissimulée à l'intérieur de l'organisation terroriste. Oui. Ouais. Et qui était-ce? Aujourd'hui encore, je ne peux pas vous livrer son nom. Enfin, sachez qu'il s'agissait d'un membre important de l'organisation. Très important, même. Un chef, donc? Absolument. En tout cas, un homme très proche de la direction du mouvement, de Soustelle en particulier. Et qui trahissait pour quelle raison? Et pourquoi trahit-on d'habitude? Pour l'argent ou pour les idées? Celui-là était vénal, et nous l'avions en main depuis fort longtemps. Depuis l'époque où des comploteurs de tout poil cherchaient à battre la 4e République. Et à installer De Gaulle au pouvoir. C'est vrai. Mais pardonnez-moi l'expression, le général les a tous fait cocu. Oui. Il s'est servi d'eux, en fait. Et puis il s'en est débarrassé le plus vite possible. C'est ainsi que ces hommes désenchantés ont presque naturellement rejoint l'OAS et les factions d'extrême droite. D'accord, mais... revenons à Argout. Grâce à cette taupe, on surveille étroitement ses faits et gestes. Et le ministère des Armées, m'avez-vous dit, a pris la décision de le faire enlever. Mais par qui? Et curieusement, c'est la question la plus épineuse. Parce que, au moment de passer à l'action, tout le monde se dérobe. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Qui était cette taupe dissimulée au sein des instances dirigeantes de l'OAS? Dans un numéro de la revue L'Histoire, paru en 1990, l'ancien commissaire Jacques Delarue, qui participa à la lutte contre les activistes, donne quelques pistes. Nous avions un informateur que nous appelions Benoît, et qui tenait un rang très élevé dans l'organisation. Il répondait à d'autres pseudonymes comme Gutenberg ou Pastis. Un personnage à l'itinéraire extraordinaire qui avait été correcteur d'imprimerie en province et menait jusque-là une existence passablement grise. En participant aux campagnes électorales de 1956, il s'était lié à des députés poujadistes, plus particulièrement à Marcel Bouillet, l'ancien pâtissier de Royan, devenu responsable de l'OAS, qu'il contribua à faire arrêter. Benoît voulait monnayer ses relations et il est parvenu à être reçu place Beauvau. Il était convenu qu'Alexandre Sanguinetti, alors chargé des relations avec la police au ministère de l'Intérieur, publie dans France Soir une petite annonce rédigée par Benoît pour avertir ce dernier que le principe de cette audience avait été accepté. D'autre part, dans une interview accordée au Quotidien de Paris en 1974, Antoine Argout parle de la trahison dont il a été victime, une trahison qu'il attribue aux siens. Sur le moment, je ne me suis pas senti trahi, mais ultérieurement, quand je regarde l'éventail des possibilités, il y en a une, c'est qu'il m'ait trahi. Non pas volontairement ou délibérément, mais parce qu'on leur aurait mis le marché en main, c'est-à-dire au fond, comme certains voulaient se rendre et qu'ils se sont rendus, De Gaulle a pu leur dire « Bon, on ne vous traitera pas trop sévèrement, mais surtout... il faut essayer de coincer Argout. C'est une des explications. Je ne vous dis pas que c'est la bonne. De toute façon, je ne suis pas sûr de savoir un jour la vérité. Mais mettons que pour moi, il y a un large point d'interrogation. En tout cas, l'explication la plus favorable pour eux, c'est qu'ils n'ont pas été corrects. Vous dites qu'au moment de passer à l'action, tout le monde se dérobe. Mais qui exactement ? En principe, ce genre de travail incombe au service action du SDEC. Oui. Ce sont les seuls hommes qui peuvent agir hors du territoire. Les autres services, la DST ou même la toute nouvelle direction de la sécurité militaire, ne peuvent intervenir en dehors de nos frontières. Mais je vous l'ai dit, au SDEC, on n'est pas chaud pour se mêler de ces affaires anti-OAS. On serait même plutôt prêt à donner un coup de main à Argoux. C'est exact, et le ministère des Armées essuie plusieurs refus. Oui, ça accrédite la thèse de l'utilisation de barbouzes recrutés dans le milieu. C'est vrai, mais c'est un canard, et je vous expliquerai pourquoi la rumeur s'est propagée. Et surtout, comment elle s'est propagée. C'est très curieux. Alors, qui va se charger de l'opération ? Ben, c'est la direction de la sécurité militaire qui va prendre les choses en main et qui va recruter une équipe mixte. Mixte, c'est-à-dire ? Le commando va être composé d'officiers de la sécurité militaire, d'inspecteurs de la PJ et d'hommes du fameux 11e choc. Ouais, le bataillon où puise le service action du SDEC. Mais pourtant, vous m'avez dit... Mais tous les hommes n'étaient pas pro-OAS, bien heureusement. Et n'oubliez pas que Jacques Focard n'a jamais cessé de rester très proche du 11e choc. Il venait même y faire régulièrement des périodes de réserve. Alors c'est lui qui a recruté ces hommes ? Écoutez, franchement, je n'en sais rien. Mais ça ne serait pas étonnant. En tout cas, dès que cette équipe est recrutée, la traque commence. Et grâce aux renseignements fournis par la taupe de l'OAS, Argoux est assez vite repéré. Et où est-il à ce moment-là ? Au début février de l'année 63, l'ex-colonel fait un voyage à Rome, là où justement s'est longtemps réfugié Soustelle. Et il rencontre ? Je ne crois pas. Soustelle a été expulsé d'Italie. Et s'il est revenu, c'est clandestinement. Mais l'objectif, c'était Argoux. Il est filé en permanence. Toutefois, l'ex-colonel détecte cette surveillance et les gars du commando doivent décrocher. Mais toujours grâce à cette taupe, la sécurité militaire à Paris apprend que Argoux doit incessamment revenir en Allemagne, à Munich précisément. On ordonne aux ravisseurs de prendre immédiatement l'avion. Oui, ils précèdent Argoux et à Munich, ils mettent en place des planques devant les deux hôtels où descend d'habitude l'ex-colonel. Vous voyez que les renseignements étaient très précis. Ouais. Là, ils attendent Argoux ? Bien entendu. Et comment ça va se passer alors ? Il faut d'abord dire qu'à Munich, on est en plein carnaval et ça va forcément favoriser les ravisseurs. Pourquoi ? Ils vont passer plus facilement inaperçus. Puis dans cette atmosphère de fête et de beuverie, ils peuvent espérer qu'une tentative d'enlèvement attirera moins l'attention. Donc un soir, assez tard, Argoux se présente dans le hall de son hôtel. Aussitôt, deux hommes l'abordent et déclarent appartenir à la police allemande. C'est crédible, ça ? Pourquoi pas ? Les deux faux policiers parlent allemand. Argoux ne se méfie pas ? Sur le moment, non. Mais on ne lui laisse pas le temps de se poser des questions. Argoux est conduit fermement vers la sortie. Là, deux autres hommes se joignent au premier. Argoux comprend alors qu'on est en train de l'enlever. Il résiste, se débat, des coups sont échangés, mais il est facilement maîtrisé et précipité sur le siège arrière d'une auto qui démarre aussitôt. Direction la France. Oui, mais les ravisseurs prennent soin de transférer leurs prisonniers dans une autre voiture. Celle-là appartient aux forces françaises stationnées en Allemagne. Et c'est sans aucune difficulté qu'elle passe la frontière. Le lendemain, on retrouve Argoux ligoté dans une troisième voiture, une fourgonnette garée près de Notre-Dame. Ouais. On le retrouve qui ? La police ? Mais les ravisseurs ont pris soin, avant d'abandonner l'ex-colonel, de donner un coup de fil anonyme à la PJ. Ouais. Techniquement, l'opération est donc parfaitement réussie. Hein. Tout à fait. Diplomatiquement, c'est autre chose, car les autorités allemandes, dès qu'elles apprennent l'affaire, poussent des hauts cris. La justice allemande demandera même la restitution du prisonnier. Mais enfin, tout ça, c'est de la poudre aux yeux. Mais pourquoi ? Les Allemands ne pouvaient pas ne pas protester contre cet enlèvement perpétré sur leur territoire. En réalité, ils étaient au courant depuis le début. Et les services secrets d'Outre-Rhin avaient donné leur feu vert. Il faut dire qu'ils avaient beaucoup à se faire pardonner. Expliquez. Eh bien, pendant la guerre d'Algérie, ils avaient parfois aidé les gens du FLN qui se trouvaient en Allemagne. Et dans les services, nous le savions parfaitement. Donc, en nous permettant d'enlever Argoux, ils nous donnaient un gage de bonne volonté qui augurait bien de l'avenir. Et de la coopération entre services. Naturellement. On fait donc la paix sur la tête d'Argoux. Oui, toutefois, les Allemands ont mis une condition. Argoux ne doit pas être condamné à mort. Et il ne le sera pas. Non. Alors qu'il avait été précédemment condamné à mort par contumace, il sera, après son enlèvement, condamné à la détention criminelle à perpétuité par la Cour de sûreté de l'État, un tribunal qui était aux ordres du gouvernement. Oui, un tribunal auquel on avait donné l'ordre de ne pas prononcer la peine de mort. Ça me paraît évident. Oui. Alors, revenons sur cette histoire de Barbouz et de Truand, puisque vous m'avez promis une explication. C'est assez étrange. Et pendant très longtemps, on a cru réellement que l'ex-colonel avait été enlevé par des truands. Oui, je me souviens qu'on a même prononcé le nom de Joatia, si mes souvenirs sont bons. Hein. Oui, mais à mon avis, il s'agit d'une manipulation. Mais voyons la genèse de la rumeur, enfin la genèse officielle en tout cas. Au moment de l'affaire Ben Barka, Argoux, qui est toujours en prison, voit la photo d'un truand soupçonné d'avoir participé à l'enlèvement et à l'assassinat du leader marocain. Lequel, là ? Bouchesèche. Ouais. Et aussitôt, Argoux reconnaît sur cette photo le visage d'un des costauds qui l'ont lui-même enlevé. Deux ou trois ans plus tôt ? Oui. Ouais. Oh, il a bonne mémoire, hein ? Admettons qu'il ait été frappé par les traits de cette brute. Donc Argoux alerte ses avocats et la rumeur commence à courir à Paris. Le pouvoir a utilisé des truands pour enlever Argoux. Et en cette période où l'on voit des barbousses partout, cette version rencontre un succès incontestable. C'est pourtant faux, complètement faux. Argoux a-t-il menti ou s'est-il trompé ? Aujourd'hui encore, je ne le sais pas. Mais ce que je sais, c'est que ses amis ont exploité l'affaire. Ouais, pour discréditer le pouvoir. Bien sûr. Ah. Alors si ce n'était pas Bouchesèche, qui était ce type ? un militaire. La vérité, pour une fois, est donc moins tortueuse que la légende. Mais celle-ci aura la vie longue. Dans un article de la revue Historia, paru en mai 1994, le journaliste et écrivain Rémi Koffer, spécialiste des questions d'espionnage, affirme, comme M. X, que c'est la sécurité militaire dirigée par le général Février qui a mis au point et exécuté l'enlèvement d'Antoine Harcourt. Il ajoute que l'ordre a été donné par le ministre des Armées en plein accord avec le premier ministre de l'époque, Georges Pompidou. D'autre part, dans un livre consacré à l'OS, le même écrivain évoque la complicité entre services français et allemands. Et il écrit que les Allemands ont été récompensés par la livraison d'archives de la Gestapo de Lyon, où œuvrait Klaus Barbie. Enfin, un dernier document qui éclaire la personnalité d'Antoine Harcourt. Le journal Libération, le premier, celui d'Emmanuel Dacier de la Vigerie, a publié en avril 1961, après le putsch des généraux, un article consacré à Harcourt sous le titre « L'homme de la justice expéditive ». Et les propos de l'ex-colonel sont reproduits dans cet article de Patrick Kessel. En voici un extrait. Ayant commandé un secteur à Larba pendant la bataille d'Alger en 1957, ne voulant pas appliquer la justice mise à ma disposition parce que j'étais responsable de vies humaines, civiles ou militaires, et que si je l'avais appliqué cette justice légale, j'aurais eu l'impression de faillir à ma mission. Je ne voulais pas non plus appliquer certains procédés, peut-être efficaces, mais qui n'étaient pas conformes à l'éthique occidentale. Alors, j'ai décidé, bien entendu, après y avoir mûrement réfléchi et ne me dissimulant pas du tout les inconvénients du système, j'ai appliqué cette justice personnellement sous ma propre responsabilité, c'est-à-dire que je fusillais. Après une enquête précise, serrée, aidée par les inspecteurs de la police judiciaire, les assassins ou les responsables sur la place publique. Je courais de gros risques, je ne me les dissimulais pas. J'avertissais à chaque fois mes chefs, rien ne se passa. À samedi prochain pour un nouveau rendez-vous avec Monsieur X, et vous savez que vous pouvez nous écrire, nous demander des éléments de bibliographie ou même réécouter cette émission sur www.franceinter.com.